nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1499, fut imprimé à Venise un livre considéré comme l'un des plus beaux et aussi l'un des plus mystérieux de l'histoire, Le combat d'amour mené par Polyphile durant son sommeil, traduction de son titre latin, devenu Le songe de Polyphile dans sa traduction française. Anonyme, son auteur semble avoir révélé son identité par l'acrostiche formé par les lettrines qui en ouvraient les chapitres, Francesco Colonna. Mais l'incertitude plane encore, puisque deux Francesco Colonna, mais aussi le grand humaniste Léon Battista Alberti, sont des candidats possibles à la paternité de cet ouvrage. En 1994, dans Les chemins de la connaissance, avec une série en 5 volets, Jacqueline Kellen plongeait les auditeurs de France Culture dans le songe de Polyphile, qui, à travers les siècles, de Rabelais à Georges Perec, en passant par La Fontaine, Nerval, Dali et beaucoup d'autres, aura fasciné et influencé artistes, poètes et romanciers, captivé architectes, historiens, philosophes et mystiques, mais aussi les ésotéristes de tout poil. Dans le 4e épisode de la série, en compagnie de 2 spécialistes de la Renaissance et de ce livre, on s'intéressait plus particulièrement à l'importance du songe dans la vie quotidienne, dans l'imaginaire et la littérature de l'homme de la Renaissance et à la postérité littéraire de cet ouvrage. Les chemins de la connaissance, le songe de Polyphile ou la transfiguration du monde, 4e d'une série en 5 parties proposée par Jacques Kellen, avec Gilles Polizzi et Françoise Joukowski. Première diffusion le 6 janvier 1994 sur France Culture. Réalisation François Connac. Le texte que nous connaissons en français sous le titre « Le songe de Polyphile » est une œuvre immense, peut-être la tentation aussi d'un livre total, pourrait-on dire. Cette œuvre représente tout l'imaginaire et peut-être aussi tout le savoir ou la philosophie de la Renaissance. Donc c'est un texte plein de mythologie, de références à l'Antiquité, mais aussi qui dénombre des oiseaux, qui qualifie des plantes, des herbes, des fleurs. Et puis il y a aussi tout un parcours très esthétique avec des motifs comme les grottes, les chars de triomphe, etc. Alors est-ce que pour vous, Gilles Polizzi, ce songe de Polyphile n'est pas une façon aussi de reprendre un peu cette description du monde qu'a faite un certain Marco Polo à la fin du XIIIe siècle? L'analogie est séduisante dans la mesure où elle fait ressortir un aspect du texte. Le Polyphile appartient au registre du merveilleux. Et le merveilleux, c'est tout ce qui est étranger, c'est tout ce qui est exotique, c'est tout ce qui est précieux. Et l'Antiquité n'est pas moins merveilleuse que l'Asie de Marco Polo. Donc je crois que la comparaison, l'analogie est tout à fait pertinente. Le récit du livre 1, le récit de la quête de Polyphile, est interrompu par de longues descriptions qui détaillent effectivement les merveilles du monde antique ou les merveilles de la nature. Alors il y a tout un registre botanique, qui des inventaires de plantes et des lapidaires également, donc de plantes et de pierres, inspirés de, entre autres, de Pline, qui est littéralement transposé et pillé. Nous avons également, on y trouve également des longues descriptions architecturales, et donc là il s'agit d'un autre aspect, d'une autre merveille, mais il s'agit également de merveilles. Le narrateur se plaçant dans la situation de l'architecte qui invente l'édifice, donc il s'agit de reprendre la description des monuments, pyramides, temples, et également des jardins, comme si on devait les inventer. Et justement, il me semble que c'est un au-delà de la littérature. Le Polyphile est un grand livre, mais il est aussi quelque chose de plus qu'un livre. Il y a une équivalence entre le livre et le monde, l'idée de recréer dans son intégrité le monde antique, qu'après tout, Polya incarne peut-être sur le plan allégorique. Donc c'est une dimension du texte. Il faudrait ajouter également toute la part d'invention dans cet inventaire. Et cette part d'invention, c'est l'invention de l'écriture hiéroglyphique, telle que Polyphile la décode, la déchiffre. Et d'ailleurs, ça a été pris au sérieux pendant un bon siècle. On donne l'ouvrage de Colonna comme une source pour les hiéroglyphes, et également pour l'épigraphie, même si à la fin du siècle, on commence à penser qu'elles sont imaginaires, ces épitaphes. Donc il y a tout un aspect savant et technique extrêmement, extrêmement développé, et je crois qu'il répond à cette ambition de recréer le monde. Cela vaudrait également pour les techniques, techniques d'orfèvrerie, techniques de mosaïque, techniques d'ornement. Il n'y a pas de peinture, mais il y a des tableaux en mosaïque, et évidemment on y trouve donc toute une dimension esthétique très moderne pour le temps. C'est la claire lumière qui nous ravit doucement à sa contemplation pour illuminer nos ténèbres. Car aucun ne demeure aveugle les yeux ouverts, sinon ceux qui la fuient et refusent. En cette manière, j'étais ravi et surpris d'un plaisir souverain contemplant les reliques de l'Antiquité sainte, vénérables et tant à estimer. Si bien que je me trouvais incertain, inconstant et insatiable, regardant ça et là, accompagné d'une affection et admiration continuelle, pensant en moi-même quelle pouvait être la signification de ces histoires que je trouvais bien obscures, considérant le tout attentivement et ne pouvais assouvir de les regarder. Mon désir, qui s'était distrait et séquestré de tout autre humain pansement, sauf de ma dame, Polia, laquelle revenait souvent de fois en ma mémoire. Mais cela passait en un moment, et ainsi, je retournais tout soudain à mon entreprise, persévérant en la contemplation de cet édifice si parfait et si bien ordonné. Alors c'est très humaniste aussi de prendre possession du monde d'une certaine façon, en prendre les mesures, s'affronter aux divers registres aussi de la nature. Il y a peut-être la divine proportion, il y a des proportions en architecture, mais il y a aussi l'homme qui se mesure au monde qui lui est proposé. Dans la mesure où le combat de Polyphile, puisqu'il y a bien un combat dans le titre, ce combat c'est le combat avec les passions, avec la passion amoureuse, avec la... Mais c'est aussi un combat avec un monde qui résiste, puisqu'initialement, on a une lutte de la nature et de l'architecture, les ruines en témoignent. Et tout cela pour aboutir à Citer, qui est un espace hors de l'histoire, hors du temps, avec ses jardins perpétuels, ses jardins magnifiques, et ordonnés, géométrisés. Donc il y a eu un combat, il y a triomphe d'une synthèse. Il y a donc peut-être ce qu'on appelle une physiomachia qui redouble la psychomachia, le combat de la nature contre l'artifice qui se résout à Citer, et marque donc non pas le simple triomphe, mais la réconciliation de l'homme avec les signes et avec le monde. Je verrai les choses ainsi. Ainsi naviguâmes-nous sans timon et sans gouvernail, en cette barque sans forme et sans nul ordre, ayant toutes ses parties confuses, comme la proue en la poupe et la poupe en la proue, où étaient assemblés tous les mystères d'amour, et qui avaient été faites ainsi par l'artifice de Vénus pour la navigation de son fils Cupidon. Au milieu de cette barque, à la place de l'arbre, était levée une bannière impériale de drap d'or, tissée avec de la soie bleue, sur laquelle étaient brodés, des deux côtés, avec des pierres précieuses, trois hiéroglyphes antiques, un vase antique plein de flammes de feu, et un globe, lié ensemble par un petit rameau de pervenche enrichi de feuillage. La bannière était déployée au vent, où elle rendait une grande clarté. Et pensant à ces hiéroglyphes, je les interprétais de la sorte: Omnia vincit amor, amour surmonte toute chose. Je crois que l'influence du songe de Polyphile s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général, qui est l'intérêt que l'homme de la Renaissance a porté à ses songes. Vous savez, on a dit pendant très longtemps que les hommes du XVIe siècle ne s'intéressaient pas à leurs songes. Et je crois que c'est une erreur totale. Pendant très longtemps, on a vécu sur la thèse des rapports entre l'âme romantique et le rêve. Ce seraient les auteurs romantiques, en particulier les auteurs allemands, des gens tels Kaufmann, qui aurait rappelé à l'homme moderne que le songe est une partie importante de sa vie. En fait, les hommes du XVIe siècle étaient aussi attentifs, sinon plus attentifs que nous, à la réalité quotidienne de leurs songes. À chaque pas dans la littérature du XVIe siècle, on rencontre des histoires de songes. Il y en a chez les conteurs, il y en a chez les théologiens, il y en a chez les démonologues, et naturellement vous en trouvez aux merveilles en poésie, et c'est là leur lieu originel en quelque sorte. Les rêves véridiques, ce sont les rêves surnaturels. Ce sont ceux qui sont envoyés par Dieu et qui sont envoyés en particulier par deux types d'intermédiaires. D'une part, les esprits des morts, car il faut se rappeler que pour les hommes du XVIe siècle, l'univers est plein d'âmes, l'univers est plein d'esprits. Dans la vie quotidienne et en particulier la nuit, lorsque l'ombre vous enveloppe, vous êtes entouré des esprits des morts. Il y a un texte magnifique de Ronsard qui raconte l'apparition de son ami Dubellet, et Dubellet achève son message par une sorte de prédiction. Donc les songes, en particulier les songes qui prédisent la venir, parviennent, ces songes surnaturels, parviennent aux hommes par l'intermédiaire des esprits des morts. Et ils parviennent aussi par une autre catégorie de créatures, alors qui est beaucoup plus surprenante pour l'homme moderne, et c'est le démon. Mais le démon, non pas au sens chrétien du terme, le démon néo-platonicien. C'est-à-dire dans une hiérarchie verticale, une hiérarchie qui va du créateur jusqu'à l'homme, aux espèces inférieures en quelque sorte. Une créature intermédiaire, le démon néo-platonicien, c'est un esprit qui est préposé par Dieu à la transmission des bons influx, des messages. Il est donc tout à fait naturel que ce soit lui qui vienne avertir, en particulier pour les songes de prédiction, qui viennent avertir les humains. Et là encore, on a quantité de textes, notamment chez les démonologues tels que Pierre Leloyer. C'est certainement une possibilité d'accéder à un autre niveau de savoir. Et là, je crois que c'est un des domaines où nous retrouvons très nettement l'influence du songe de Polyphile, cet aspect initiatique, en somme. Le personnage du narrateur ou du poète, lorsqu'il s'endort, devient autre. Il devient un guide, il devient un initiateur. Il accède à un autre niveau de connaissance et il acquiert une sorte de dignité philosophique et même religieuse. Donc le cadre du songe, lorsqu'il subsiste au XVIe siècle, y compris chez des auteurs tels qu'Agrippa d'Aubigné, qui a recours au cadre du songe dans les tragiques à plusieurs reprises, le cadre du songe a gardé toutes ses vertus allégoriques, philosophiques et religieuses. C'est une vieille idée platonicienne et néo-platonicienne chez Plotin, chez Jean Blic, à savoir que l'âme dans le sommeil, et plus particulièrement au moment du songe, se détache du corps. C'est le vieux thème du voyage astral que l'on trouve notamment chez le philosophe Plotin, et c'est une idée qui a été évoquée à la Renaissance au Quattrocento par le philosophe florentin Marcile Ficin et qui a été reprise chez de nombreux philosophes de la Renaissance. C'est presque un lieu commun à la Renaissance, au point qu'on trouve cette idée dans un très joli texte de Rabelais, où Rabelais, de la façon la plus familière, qui fait tout notre bonheur, dit que l'âme est comme une bonne nourrice, qui va se promener quand elle a accompli sa tâche. Sa tâche, ce sont les occupations de la journée, et la nuit, dans le sommeil et dans le songe, elle peut aller contempler les champs des dieux, les domaines réservés aux immortels. Et en fait, c'est ce qui a l'air de se passer dans le songe de Polyphile, puisque dans le second livre, lorsque le héros tombe comme mort, c'est son âme qui lui raconte ce qu'elle devient quand elle n'est plus, en effet, avec son corps. À cet égard, il y a une structure nettement néo-platonicienne du songe de Polyphile, qu'on ne retrouve pas, en revanche, dans des œuvres d'imagination que l'on pourrait comparer, par ailleurs, au songe de Polyphile. Je pense à La Bergerie de Rémi Bello, Bello a emprunté certains détails décoratifs au songe de Polyphile, mais il n'a pas repris absolument pas cette structure néo-platonicienne du songe de Polyphile. Je pense que là, il y a une différence entre la France et l'Italie. L'Italie est peut-être plus ouverte à cette notion d'initiation et plus apte à en faire, en somme, une structure, à imaginer des œuvres littéraires qui est une architecture néo-platonicienne analogue à celle du songe de Polyphile. Logistique se tourna vers moi et me dit « Par ces trois figures, carrées, rondes et triangulaires, consiste la céleste harmonie. Sois averti, Polyphile, que ce sont hiéroglyphes égyptiens antiques qui ont perpétuelle affinité et conjonction ensemble, signifiant et disant à la divine et infinie trinité en une seule essence. Le soleil, par sa belle lumière, crée, conserve et illumine toutes choses. Le timon ou gouvernail signifie le sage gouvernement de l'universel par la sapience infinie. Le troisième, qui est un vase plein de feu, nous donne à entendre une participation d'amour et de charité qui nous est communiquée par la bonté divine. » Rabelais n'est pas le premier lecteur. Le premier, c'est le précepteur de François Ier. Donc c'est François de Moulins, dans ce petit texte qu'on intitule « Traité des vertus » dédié à Louise de Savoie. Les illustrations de ce texte reprennent, en les archaïsant, puisqu'il s'agit d'illustrations peintes, alors que les bois gravés du Polyphile, évidemment, marquent un autre âge de l'illustration. Donc le premier usage serait un usage pédagogique. Ensuite, il y aurait des lectures du côté des années 1525-1530, avec Geoffroy Thory, qui est l'auteur du Chant fleuri, qui est un des inventeurs de la typographie française. Et qui recommande les hiéroglyphes du Polyphile. Donc c'est un ouvrage savant à ce moment-là. Et dans les années 1535, le texte de Rabelais, le Gargantua, l'évocation de l'abbaye de Thélème, reprend la description du royaume du libre-arbitre dans le Polyphile. Plus tard, il y aura Mirabeau et Nerval. Je vais dire un mot de Mirabeau parce que c'est très amusant. Le 18e siècle est l'époque où on cesse de comprendre ces formes littéraires, où on s'étonne des descriptions de cérémonies magiques qu'il y a dans le Polyphile, des descriptions de rituels, donc des mystères éleusiniens. Et donc Mirabeau, qui transforme cela, il résume l'histoire en 20 pages, il faut le faire, mais... Et il en fait un songe érotique. Mais c'est dans sa manière. Mais donc il s'étonne de trouver toutes ces cérémonies qui sont un petit peu étranges, un peu fastidieuses. Pourquoi ? Et au contraire, Nerval, pas si tard que cela, 50 ans plus tard, Nerval va être ravi par cette dimension ésotérique et magique qu'il perçoit. Et dans son voyage en Orient, il évoque une messe d'amour qui transpose celle de la cérémonie du temple de Vénus Futisoé. Et évidemment, il résume également l'histoire de Polyphile et de Polya. C'était Le songe de Polyphile ou La transfiguration du monde, la postérité littéraire, quatrième partie d'une série de chemins de la connaissance proposée par Jacqueline Kellen, avec Gilles Polizzi et Françoise Joukowski. Réalisation François Connac. Première diffusion le 6 janvier 1994 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.